travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Je suis heureux que Bordeaux soit honoré aujourd'hui en ma personne, que la ville de Montaigne et de Montesquieu, qui fut celle aussi d'André Lafont, de Jean de la ville de Mirmont, de Jacques Rivière, soit connue dans le monde entier, non seulement par ses vins, mais par ceux de ses enfants qu'elle a inspirés. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Ce fut comme un tremblement de terre à Bordeaux lors des dernières élections municipales. Le gaullisme ou la droite y avait régné sans partage depuis la libération, incarnée pour le premier par Jacques Chaban-Delmas et pour la seconde par Alain Juppé. Or voici que tout à coup, la majorité conservatrice qui semblait vouée à dominer toujours la cité dut céder la place à une liste de gauche emmenée par un chef de file écologiste. Cette emprise semblait pourtant se fonder sur une solide tradition historique en termes culturels, sociologiques et économiques du côté en particulier de la prestigieuse richesse viticole. Les observateurs extérieurs s'en montrèrent donc surpris. Fût-ce à tort, comme toujours, un recul dans la longue durée pousse à remettre en cause les fausses déterminations et à montrer la complexité d'une idiosyncrasie. Après tout, ni Montaigne, ni Montesquieu, ni Mauriac, ces trois fameux M, chers au bordelais Jean Lacouture qui en écrivit les biographies, aucun d'entre eux n'incarne sur ces terres un esprit de prudence ou de conformisme. Anne-Marie Cocula, mon invitée ce matin, a beaucoup pratiqué ces trois grands hommes. Historienne renommée de l'Aquitaine, spécialiste de l'époque de la Renaissance, elle s'est trouvée promue naguère à la tête de l'université de Bordeaux III. Comme vice-présidente du conseil régional dirigé par le socialiste Alain Rousset, elle y a été chargée de la culture et, en somme, de la mémoire. J'ajoute qu'elle préside aujourd'hui le centre culturel François Mauriac de Malagard. Bref, the right woman in the right place, comme on dira volontiers dans un pays qui a été tellement marqué d'âge en âge par l'influence de l'Angleterre. Parler avec Anne-Marie Cocula de Bordeaux au long cours, ce sera, je l'espère, restituer ce que furent la genèse, les déchirements, les continuités et les ressorts de l'une des plus belles villes de France. Tout a commencé par des odeurs, à Bordeaux, sur le quai des Chartrons où je suis né. Odeur du vin d'abord. Sur les barriques, rangées comme des soldats sur les tableaux de bataille, des personnages accompagnés d'un douanier se livraient à de mystérieuses pratiques. Ils enlevaient la bonde d'une barrique pour y plonger une pipette vide qu'il retirait pleine. Le vin ainsi soustrait à son destinataire était l'objet de manipulations rituelles. En fin de compte, ils le mettaient dans leur bouche pour le recracher ensuite. Je contemplais cette scène avec le même recueillement qu'à la messe. Odeur du cacao, des épices, des arachides, des grumes d'acajou et d'okoumé. Odeur du chanvre, exhalée par les amarres rousses des navires, torsadés comme des chignons, odeur des pelotes noires et visqueuses du balata, importées d'Extrême-Orient pour faire de la gutta percha et des courroies de transmission, odeur piquante des nitrates venues sous pavillon chilien d'Antofagasta. Antofagasta, un nom fait pour emporter très loin l'imagination d'un enfant de 10 ans. Parfois, on voyait descendre d'un de ces cargos venus de pays fantastiques un marin, tatoué jusqu'à la pomme d'Adam, un anneau d'or à l'oreille gauche, portant sur son épaule un perroquet ébouriffé par le changement de climat et de civilisation. Ce volatile, c'était le viatique de l'homme de pont. Il le vendait pour aller faire son escale sexuelle dans les rues chaudes de la ville. Anne-Marie Cocula, bonjour. Bonjour. C'était un extrait des mémoires de James de Coquet, lu ici par Claude Dominique dans l'émission Le Passé Singulier. Claude Dominique en était la productrice avec Michel Vinocq sur France Inter le 30 janvier 1984. James de Coquet, c'est un journaliste éminent, critique gastronomique, au Figaro notamment. Il y a la Bordeaux, non ? Il y a tout Bordeaux parce qu'il y a les senteurs. C'est-à-dire ce que l'on trouvait au Chartron, dans le quartier des Chartrons, où les entrepôts sont nombreux. Parmi eux, je pense à ceux qui abritent le centre d'art contemporain, les fameux entrepôts lainés qui étaient promis à la démolition et qui ont été sauvegardés. Et quand on rentre encore dans ce lieu, on y sent ces senteurs qui sont pas toujours faciles à interpréter. Mais James de Coquet est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, donc lui, en quelque sorte, au goût, ça s'ajoute cette science des odeurs qu'il a appris, cultivées dans les pays lointains où il a voyagé. Des effluves, je le pense, Anne-Marie Cocula, vont parcourir notre conversation. Avec plaisir, d'autant plus que j'ai le grand honneur à l'heure actuelle d'être la présidente de l'Institut du goût de la Nouvelle-Aquitaine. J'aurais dû le dire d'entrée de jeu. À cet égard, nous allons goûter à cela. Alors, à longue durée, j'évoquais tout à l'heure la présence anglaise à Bordeaux. Il faut au moins remonter à cette époque-là pour rechercher ce qui est la spécificité de cette grande ville-là. Tout à fait, il faut remonter à l'époque du second mariage d'Aliénor, la fameuse Aliénor d'Aquitaine. Vous l'aimez beaucoup ? Je l'aime beaucoup, elle est beaucoup aimée aussi, et à partir de ce moment-là, ce second mariage avec celui qui va devenir très vite le roi d'Angleterre... Second mariage parce qu'elle a d'abord été mariée à Louis VII, on est au milieu du XIIe siècle, et qu'ensuite elle se marie à Henri II Plantagenet, d'où le début de difficultés. Tout à fait, 15 ans de mariage avec le roi de France, qu'elle jugeait un peu trop moine. Elle préférait finalement ce second mari, qui était plus jeune qu'elle, hein, et surtout qui lui a faisait changer à la fois de lieu, de paysage, et elle avait l'espoir avec lui de pouvoir avoir un héritier, parce que jusqu'alors, avec le roi de France, elle avait eu deux filles. Et il faut pas oublier qu'un duché qui tombe en quenouille est un duché fragile et menacé. Donc, elle aura, avec le Plantagenet, elle aura quantité de garçons et de filles, avant de faire révolter ses fils contre le lion, c'est-à-dire contre leur père, et elle finira de longues années en prison avant la mort de Henri II, puis son retour à elle en Aquitaine. C'est une vie formidable, tumultueuse. Elle a vécu très tard, ce qui était elle a vécu très tard, et elle est allée à 70 ans passés à travers les Pyrénées, rechercher deux de ses petites filles, ou tout au moins une de ses deux petites filles, la jeune Blanche, ou Blanca, Blanche de Castille, qui sera la mère de Saint-Louis, qui va devenir roi de France, Louis IX. Donc, on est vraiment dans une légende historique ou historienne que celle d'Aliénor. Bien, alors c'est le début de ces trois siècles de domination, de tutelle anglaise, qui aujourd'hui encore marque si fort la ville de Bordeaux et sa région. Exactement. En sachant quand même une chose très précise, c'est que la guerre de 100 ans, qui a duré plus de 100 ans, et qui se termine donc au milieu du XVe siècle, voit peu à peu se rétrécir le grand-duché d'Aquitaine d'Aliénor. Et en se rétrécissant, la chance de Bordeaux, c'est d'avoir vu le port de La Rochelle regagné par les Français. Une concurrence... Ah ben oui, la concurrence très forte de Bordeaux, tant que La Rochelle a été aux mains des Anglais, des rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine, c'est qu'à La Rochelle, ils trouvaient à la fois des vins et du sel. Donc, en fait, s'approvisionner à Bordeaux, c'était plus long, c'était plus risqué, c'était plus dangereux. À partir du moment où, au XIIIe siècle, La Rochelle est récupérée par le roi de France et échappe donc au roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, c'est Bordeaux qui va en quelque sorte voir prospérer le trafic des vins. Il y a une très grande rivalité qu'il ne faut jamais oublier entre Bordeaux et La Rochelle. Et plus tard, quand La Rochelle va devenir le quartier général des protestants, Bordeaux sera de plus en plus catholique, si j'ose dire. Alors sur cette influence anglaise à Bordeaux, qui est essentielle, je vais vous faire écouter un propos du cher Jean Lacouture, bordelais dans l'âme, le grand biographe, notamment grand journaliste, qui parle de cette influence dans l'émission Une ville en tête de Michel Enouf et de Laurent Juanon sur France Inter, le 4 août 1996. Voici Jean Lacouture. Vous me direz si vous approuvez entièrement ces propos. Je dirais pour simplifier que Bordeaux est une ville anglaise, au moins autant que Toulouse est une ville espagnole. Bordeaux, pendant trois siècles, les Anglais ont gouverné la Guyenne ou l'Aquitaine, très bien d'ailleurs. Le prince noir a été un excellent gouverneur, très, très sage, très efficace, libéral apparemment. Et les Bordelais ont gardé un très bon souvenir de la présence anglaise. Parce que le vin de Bordeaux, il faut bien le dire, la gloire du vin de Bordeaux a été faite par les Anglais. À une époque où les Français buvaient du Bourgogne, notamment à la cour d'Angleterre buvait du Bordeaux, en buvait beaucoup et a fait la fortune de Bordeaux. Ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Vous savez, j'étais hier au soir à Castillon-la-Bataille, à 6 km du village natal du château de Montaigne, et c'est là que s'est déroulée à Castillon la bataille, la dernière bataille de la guerre de Cent Ans, là où les Français ont fini par battre les Anglais, chasser les Anglais, tuer leur meilleur général qui était Talbot. Et dans cette bataille, telle qu'elle a été reconstituée très joliment et très intelligemment, très courageusement, je dirais, par les gens du pays, les Anglais sont plutôt les bons et les Français les méchants. Et à cette époque, le roi Charles VII est moins bien considéré que le général anglais Talbot. C'est comme ça, cela dit, il était important que les Anglais quittent le pays. Ils l'ont fait à l'issue de cette bataille. Mais c'est pour vous dire à quel point l'Angleterre ici est vue de façon ambiguë et de façon très honorable. Et les choses anglaises, une pointe d'accent anglais ne messiait pas. Dans la bourgeoisie bordelaise, il y a un snobisme anglais très fort, très, très évidemment. Il y a un roman de Mauriac, Préséance, où les jeunes gens ont des noms britanniques, où ils s'appellent Harry ou John, n'est-ce pas? C'était dans les années 20 ou 30, le snobisme anglais était tout outrageant après la Première Guerre mondiale, où nous avions été des compagnons de combat très ardents. Les Anglais étaient extrêmement populaires. Bordeaux est une ville assez sportive. Bordeaux a été la capitale, la première grande ville de province à jouer au rugby sous l'influence des Anglais, et parce qu'il y avait une forte colonie anglaise ici, notamment des importateurs de vin. Vous allez nous dire, Anne-Marie Cocula, si ce regard de Jean Lacouture vous paraît entièrement pertinent. Auparavant, je voudrais rappeler que la bataille de Castillon, vous connaissez rudement bien, puisque vous vous êtes mêlé de cette reconstitution auquel Lacouture rend hommage. Tout à fait, là, je rends hommage à tous ceux qui l'ont organisé, au metteur en scène Éric Le Collen. Je ne suis guère que la conseillère historique, et je rends hommage aussi, il faut bien le dire, face à Talbot, le cavalier, qui périt pendant la bataille, à l'artillerie du roi de France, celle des frères Bureau, qui finalement... Vous avez l'air toute triste en disant ça. Je suis triste parce que c'est un tournant militaire, c'est-à-dire que là, l'artillerie va remporter cela, et puis je suis triste aussi parce que il ne faut jamais oublier que Bordeaux s'est déjà rendu une première fois au roi de France et que l'archevêque Pey Berland est allé rechercher les Anglais et que c'est finalement Talbot, arrivé avec son armée de secours, il a été appelé par les Bordelais. Donc ne jamais oublier, en quelque sorte, le regret qu'ont eu les Bordelais de voir partir les Anglais pour deux raisons. La raison commerciale, le vin, le fameux claret, finalement. Qu'est-ce que c'est le claret? Rappelez-nous, ce n'est pas encore le vin de Bordeaux que nous connaissons. Non, il faut abandonner toute l'idée de comparer le claret au vin de Bordeaux. Tout n'est pas continuité. Non, tout n'est pas continuité. Ils avaient apprécié, les Anglais, le vin clair, blanc de La Rochelle et de la région. Et là, ils trouvaient un claret, un vin pâle, tantôt gris, tantôt blond, en tout cas pas un vin rouge. Et ce claret-là, il fallait d'abord le transporter vite. Il fallait finalement faire en sorte que juste après la vendange, on le transporte. Le goût qu'il avait, là, il faudrait demander à mes collègues médiévistes, mais je suis pas loin de penser qu'il était très peu éloigné du vinaigre. À partir de ce moment-là, rien à voir avec nos vins d'aujourd'hui. Donc on ne se plaint pas de l'évolution. On ne se plaint pas de l'évolution, simplement ce claret, il a beaucoup, beaucoup de succès et il va fonder la suprématie des vins de Bordeaux, du Bordelais, avec aussi un autre élément ne jamais oublier. C'est que jusqu'au XVIIe siècle, en tout cas, les vins des pays de l'amont sont plus célèbres, plus renommés et sans doute meilleurs que les vins de Bordeaux. Et c'est pour cela que les Bordelais, les bourgeois de Bordeaux, ont mis en place ce fameux privilège de Bordeaux qui a une série de règlements qui arrêtent la descente des vins de l'amont pour vendre en priorité, en primeur, les vins des bourgeois bordelais. Cela va durer jusqu'à Turgot. Donc l'arrivée du Houbrillon, du Lafite, du Margaux correspond à quelle période historique ? Eh bien, c'est le XVIIe et XVIIIe siècle, le grand moment, le moment où les domaines médiévaux qu'on appelait les bourdieux vont devenir des châteaux. C'est essentiellement la seconde moitié du XVIIe et surtout le XVIIIe siècle. Mais jusqu'alors, les vins sont concurrencés par ceux des vallées, de la Garonne, de la Dordogne. Et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, les Bordelais ont perdu au départ des rois d'Angleterre, ducs d'Aquitaine. Donc je comprends le chagrin que vous exprimiez sur votre visage lorsque vous évoquez la bataille de Castillon et le départ des Anglais. Un peu. Un peu et surtout, je n'oublie pas qu'en fait, le roi de France avait promis, avant le rappel des Anglais, il avait promis la création d'un parlement au Bordelais. Ça a été fait. Il leur a enlevé quelque temps. Et surtout, les Bordelais, juste au retour de la France, ont obtenu, si j'ose dire, deux garnisons, deux châteaux intramuros qui vont les désoler jusqu'à la Révolution, c'est-à-dire le château Trompette en bord de rivière, avant d'être agrandi par Vauban, et la seconde citadelle qu'ils vont avoir dans la ville, la forteresse, c'est le fort du Ha, à très peu de distance de la cathédrale Saint-André, encore intramuros, dont il reste à l'heure actuelle une tour. Une tour dont la réputation a été entachée pour avoir été la prison des sorcières sous le règne d'Henri IV et plus récemment, hélas, la prison pour des résistants. Rappelez-nous ce qu'est la géographie de Bordeaux, de façon plus précise, et en quoi cette géographie a pesé sur son destin, avec en particulier la présence de l'eau. Vous avez commencé votre carrière universitaire en travaillant sur la Dordogne. Oui, alors la présence de l'eau, alors c'est très important, parce qu'en fait, Bordeaux est d'abord une ville qui est uniquement rive gauche. Le Burdigala, Bordeaux antique, c'est rive gauche de la Garonne, et la Dordogne et la Garonne s'unissent à la confluence au bec d'Ambès pour former la Gironde. Donc cet estuaire de la Gironde, qui est un immense entonnoir de près de 80 km. Oui, on croit parfois que Bordeaux, on croit, quand on est ignorant de la géographie, est proche de l'Atlantique, il y a 80 km à parcourir pour gagner le Verdon. Mais on l'appelle, à l'époque dont nous parlons, on l'appelle l'estuaire, la rivière de Bordeaux. Et c'est finalement, à la fin du XVIe siècle, la Jurade, le conseil municipal, qui fera édifier le fameux phare de Cordouan. Donc la géographie pèse beaucoup sur le destin de la géographie, ville. Elle pèse énormément, d'autant plus que le ravitaillement de la ville vient essentiellement, je dirais, des champs qui sont autour, mais assez peu nombreux, parce qu'il y a beaucoup de marais, de marécages. Ne jamais oublier que la ville est construite finalement pratiquement sur une zone très inondable. Et à partir de ce moment-là, la ville attend tout du ravitaillement venu des rivières, de l'amont. Donc, lorsqu'on veut prendre Bordeaux, il faut l'affamer. Il faut empêcher l'arrivée du ravitaillement. Et c'est arrivé souvent. Et c'est arrivé assez souvent, bien sûr. Et c'est la grande volonté de Montluc, Blaise de Montluc, Rappelez-nous qui était Blaise de Montluc. Alors Blaise de Montluc, c'était un grand mémorialiste, mais surtout un homme de guerre, mandaté par Catherine de Médicis pour pouvoir prendre l'offensive contre les débuts des guerres de religion, au moment où en 1562, les protestants tentent de s'emparer de Bordeaux. Et alors lui, finalement, il remet, si j'ose dire, les choses en place de façon très dure, très cruelle. Et c'est là qu'il dit finalement que la ville de Bordeaux, il suffit de la priver de ses deux mamelles, les deux mamelles étant les rivières qui assurent le ravitaillement de la ville, la Garonne et la Dordogne. La Dordogne permettant de gagner la Garonne par le bec d'Ambès. Oui, Aquitaine, c'est le nom vient précisément du terme latin aqua, l'eau. Tout à fait, exactement. Et par une série de dérives, je n'ai pas dit de dérivation, on passe de Aquitaine à Guyenne. C'est le même mot. Et Aquitaine revient plus récemment. Vous êtes d'ailleurs responsable du choix de la désignation de la région élargie. C'est vous qui avez présidé une commission qui a suggéré qu'on parle de la Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Ainsi a été fait. Je comprends que certains ont proposé de l'appeler Aliénor. Tout à fait. Il y avait un courant favorable à Aliénor, parce qu'on m'a porté des cartes où il y avait effectivement le duché d'Aliénor et l'Aquitaine agrandie, ou la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai eu une rencontre avec une dame qui était venue me voir en aparté, qui m'avait dit « Madame, surtout pas Aliénor, parce qu'elle a divorcé ». Alors, ce 16e siècle, c'est le siècle de Montaigne, qui est un des trois écrivains majeurs qui, dans la sensibilité nationale, incarne la prospérité intellectuelle et culturelle de la ville de Bordeaux dont nous parlons ce matin. Vous l'aimez beaucoup, ce Montaigne, vous aimez beaucoup en particulier son cher ami, la Boétie. On disait la Boétie, je crois, à l'époque. On pouvait dire la Boétie, maintenant on dit la Boétie. On sait qu'il a écrit de lui, qu'il s'aimait parce que c'était lui, parce que c'était moi. J'ai eu le privilège de voir cet ajout aux essais en marge du manuscrit qui est gardé par la bibliothèque de Bordeaux. Tout à fait, c'est ce que l'on appelle l'exemplaire de Bordeaux. Les montanistes disent le B. Alors parlez-nous de Montaigne et de ses liens, si vous voulez bien, Anne-Marie Cocula, avec la ville. Alors ces liens avec la ville, ce sont des liens très anciens, de par sa famille. Parce que les premiers équemes que l'on trouve datent du XIVe siècle. Son arrière-grand-père avait vendu le pastel. Alors, il vendait du pastel dans sa boutique de la rue de la Rousselle. Il vendait du pastel et du poisson. Pastel, c'est-à-dire ? Alors, le pastel, c'est-à-dire cette plante tinctoriale préparée en albigeois et en lauragais, fauchée, coupée, macérée, traitée en boule et macérée, il faut le savoir aussi, avec de l'urine. Donc, en fait, ces boules de pastel qui vont transiter par le port de Bordeaux, j'allais dire que ce sont des boules puantes, malgré tout. Vous ne nous cachez rien. Revenons vite à Montaigne. Je ne vous cache rien, mais bon. Revenons vite à Montaigne, qui s'appelle Équem. Montaigne. Pourquoi de Montaigne ? Eh bien, tout simplement parce qu'en 1477, donc son arrière-grand-père va acheter la seigneurie de Montaigne. Tout simplement, plutôt Montaigne que Montaigne. Et cette seigneurie-là comporte, non pas un château, il ne parle jamais de château. C'est pas son château, c'est sa maison forte. C'est son logis. Et cette maison forte, il va, alors que son père l'a fait défendre par rapport aux guerres de religion qui menacent, elle dépend d'un fief, le fief des archevêques de Bordeaux, le fief de la Motte-Moravel. Montaigne décide que cette maison forte, elle ne sera pas défendue et que la tour de défense qui est à l'entrée, il va en faire la tour où il vit. C'est vraiment étonnant, on n'insiste jamais assez sur cette forme de révolution de la part dans la vie de Montaigne. Il quitte le Parlement de Bordeaux, nous nous trouvons finalement dans les années 1400, la Boétie meurt en 1563, donc... Immense déchirement, donc finalement Montaigne, 10 ans après, va quitter le Parlement. Mais il le fait lentement et il s'installe après la mort de son père, qui meurt en 1568, le 18 juin 1568, meurt le père de Montaigne. Et Montaigne va s'installer là avec son épouse. Sa mère est toujours là, présente, avec laquelle il ne s'entend pas vraiment bien. Et il va transformer cette tour de défense et c'est là qu'il va installer sa librairie. Et alors après, il devient maire de Bordeaux pour 4 ans. Moment essentiel du point de vue qui nous occupe de l'histoire de la ville. Et avant que vous nous développiez ce point, je vais vous faire entendre une interview de Jacques Chaban-Delmas sur Montaigne précisément. Il est interrogé par Jean Debert dans Le Monde Contemporain sur France Culture le 8 novembre 1975. Je vous laisse écouter. Vous allez voir, c'est un essai de concordance des temps. Il y a chez Montaigne un certain nombre de caractères qui sont proches de mes préférences, de mes réactions personnelles. Par exemple, un certain désir de se connaître soi-même. Deuxièmement, un sens de la mesure. Troisièmement, un esprit de tolérance à l'égard d'autrui. Quatrièmement, une recherche d'équilibre entre le corps et l'esprit. Enfin voilà, je m'arrête à ces quatre points de rencontre. Parce que vous ne vous êtes pas rencontré quand même sur tous les points. Non, non, pas du tout. En effet, Montaigne est tout à fait égocentriste. Et il est un homme qui a écrit « Aux autres, il ne faut que se prêter. On ne peut se donner qu'à soi-même. » Enfin bref, très tourné vers lui-même et pas du tout vers les autres, alors que ma vie, en ce qui me concerne, a été et demeure consacrée au service des autres, à travers la ville, la nation, la région. Par conséquent, il y a des différences très, très, très fondamentales. Ce néanmoins, il a été maire de Bordeaux, alors, il a accepté de voilà, l'être. Voilà qui est très important. Lorsque Montaigne a été pressenti pour être maire de Bordeaux par les notables de l'époque, il a refusé. Et le roi a fait dire à Montaigne de la façon la plus explicite qu'il considérait que Montaigne devait accepter, que c'était un devoir pour lui d'accepter d'être maire de Bordeaux. Et c'est alors que Montaigne a accepté. Je dois dire qu'il a été un bon maire. Et ce qui est très, très amusant, si vous voulez, c'est que son successeur a été le maréchal de Matignon. Et comme moi-même, j'ai passé 3 ans à Matignon, vous voyez d'ici le rapprochement. Mais je reviens à la similitude. En ce qui me concerne personnellement, en octobre 1947, élection municipale, j'étais depuis un an député de la Gironde, j'ai refusé de me présenter à la mairie de Bordeaux. Tout comme Montaigne, mais pour une autre raison, cette affaire de mairie me paraissait quelque chose à mi-chemin entre Gabriel Chevalier et Marcel Pagnol, n'est-ce pas, entre Clochemerle et Topaz. C'est vous dire à quel point j'étais ignorant des réalités de la France. Non, j'étais tout à fait ignorant des réalités de la France. Alors j'ai donc refusé. Et le général de Gaulle m'a dit, mais Chaban, vous jugez très mal les choses. L'administration d'une grande ville, c'est passionnant, c'est très important, non seulement pour la ville et pour ses habitants, mais pour la France tout entière. Vous pourrez y faire votre métier de fonctionnaire, d'inspecteur des finances, vous pourrez gérer. Et c'est un devoir à accomplir. Allez, retournez à Bordeaux, soyez maire de Bordeaux et faites de votre mieux. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Que pensez-vous, Anne-Marie Cocula, de ce parallèle certainement stimulant? Stimulant, certes, mais il y aurait quelques corrections à lui apporter. Faites. En rappelant quand même que Montaigne a été désigné par le conseil municipal, qu'on appelle la jurade, que cette jurade-là, depuis que les Bordelais se sont révoltés très durement en 1548 contre l'imposition de la gabelle, depuis que la ville a connu une réforme municipale imposée par la monarchie sur le modèle du cadre parisien, il y a désormais 6 jurats qui sont renouvelés par moitié chaque année, qui choisissent le maire. Et si Montaigne est choisi, c'est parce que il a l'heure de plaire, je dirais, au roi Henri III, et il ne déplaît pas à celui qui est devenu ou redevenu gouverneur de Guyenne, qui est Henri de Navarre, le futur Henri IV. Donc si on choisit Montaigne, c'est parce qu'il faut qu'il vienne à la rescousse de Matignon. Matignon, c'est un Normand qui ne connaît rien aux cervelles chaudes des Gascons. C'est Brantôme qui parle en parlant des cervelles chaudes. Donc on va mettre à côté du froid Normand Matignon, un connaisseur des cervelles chaudes, un connaisseur des Gascons qui connaît parfaitement l'histoire de sa ville et qui est Montaigne. Et Montaigne, s'il refuse au départ, c'est parce qu'il est en voyage. Il fait son grand voyage en Europe et qu'il n'a pas envie, en quelque sorte, de se charger d'une fonction qu'il sait de courte durée. Parce que ce que ne dit pas le maire de Bordeaux, c'est qu'il sera renouvelé. Le maire plus récent, vous voulez dire. Le maire plus récent, Jacques Chaban-Delmas, c'est qu'il sera renouvelé difficilement en 1583. Montaigne, grâce à l'aide de Matignon, parce que Montaigne trouve en face de lui une force catholique très importante, c'est celle de la Ligue, qui sera bientôt la Sainte Ligue. Donc le second mandat de Montaigne, 1583-1585, sera plus douloureux que le premier, et il était prévu tout à fait qu'il laisse son mandat de maire entre les mains de Matignon, qui cumule donc les fonctions de représentant du roi Henri III et de maire de la ville. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça veut dire que la monarchie a saisi l'importance commerciale, économique, religieuse de la ville de Bordeaux, d'autant plus prégnante à ce moment-là qu'à la fin du XVIe siècle, il y a quelques difficultés économiques liées aux guerres de religion, et puis aussi parce que l'on craint beaucoup la maîtrise importante de la formidable clientèle nobiliaire des Albrets. Le chef des Albrets ou des Bourbons-Albrets, c'est Henri de Navarre. Il est protestant. Donc, en ce sens, Montaigne, et Chaban-Delmas le dit bien, il parle de tolérance. Je ne parle pas de tolérance au XVIe siècle. Le terme est anachronique. Il faut parler de concorde. Et je pense qu'effectivement, Montaigne, il le prouve dans ses essais, a cet esprit de concorde qu'il va mener jusqu'au bout de sa vie. Il est aussi respecté et honoré à ce titre. Est-ce qu'on peut dire que la vie politique dans le Bordelais est peut-être moins âpre que dans d'autres régions de France ? On peut le dire, parce que je crois, nous avons parlé ensemble des Anglais, je crois qu'il y a en quelque sorte, il y a eu plusieurs mélanges antérieurs. On pourrait parler aussi de l'installation des Juifs, des Maranes, finalement, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Il y a un aspect en quelque sorte pluriel. On pourrait parler aussi des langues. Oui, Montaigne écrit en français, mais il est meilleur en latin qu'en français, il le dit lui-même, et il parle le périgourdin, même si ses parents n'ont pas voulu qu'il le parle, il parle le gascon dans les rues de Bordeaux, donc il y a un plurilinguisme de la part des Bordelais. Et à partir de ce moment-là, il y a une forme d'acceptation, je n'ai pas dit de l'étranger, mais on est dans un port où arrivent finalement des gens que l'on ne connaît pas, que l'on apprend à connaître. Et il ne faut pas oublier que les enfants des marchands et des négociants vont faire leur apprentissage en Europe, notamment en Europe du Nord, notamment dans les Flandres et notamment aussi dans les anciennes villes hanséatiques. Donc vous voyez là, Anne-Marie Cocula, une des sources de cette spécificité de la vie publique dont vous êtes personnellement mêlé à quelques reprises, de la vie publique à Bordeaux et dans le Bordelais. Oui, j'y vois quelque chose de très intéressant de durée. Ce côté-là. Tout à fait, dans la durée, je pense qu'il y a cela. Alors on en arrive par là à ce XVIIe siècle, ce XVIIIe siècle, qui sont les moments majeurs de la prospérité, de l'émergence de la prospérité bordelaise, avec le commerce du sucre, avec la traite négrière aussi, et puis avec le rôle affirmé des grands vins qui sont répandus dans toute l'Europe, et en particulier en Grande-Bretagne. Comment cette période pèse-t-elle sur la structure sociale de la ville, qui aujourd'hui me paraît en être encore parfois marquée ? Elle pèse sans doute sur ça, parce que en fait, elle va donner des occasions d'expansion formidables aux marchands, aux négociants, et ne pas oublier que pendant très longtemps, les Bordelais ont préféré le trafic en droiture, c'est-à-dire le trafic qui mène directement depuis Bordeaux jusqu'aux Antilles. Plutôt que le triangulaire. Bon, ben, pour des raisons très simples. D'abord, on va plus vite. Ensuite, c'est moins périlleux, c'est moins dangereux. Et enfin, autre élément très important, l'Aquitaine fonctionne comme un grenier. Et l'on vend, non pas du vin aux Antilles, mais on vend de la farine de blé dur, celle des petits barils de minot. Il ne faut pas oublier l'installation des grands moulins, des minotiers, le long des rivières dont on parlait tout à l'heure, le long du Tarn, le long du Lot. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une alimentation, tout un approvisionnement qui se fait en direct. Et la force, finalement, de ce commerce, c'est qu'il est à la fois plus sûr, plus stable, on l'a dit aussi, plus rentable, moins dangereux. Et ce n'est que plus tard, après La Rochelle, après d'autres cités, après Le Havre, que les Bordelais se mettent à la traite négrière. Surtout à la fin du XVIIIe. Surtout à la fin du XVIIIe, après 1763. Grande différence avec Nantes, qui est tout au centre du commerce. Oui, mais là, il faut vraiment n'y voir, je le dis de façon forte, des raisons économiques et commerciales. Et je pense qu'on va parler de lui. La grande anticipation de Montesquieu, c'est d'avoir alerté ses compatriotes bordelais en leur disant « Attention, n'y allez pas en quelque sorte ». Et son plaidoyer par rapport, très ironique mais à double détente d'ironie, sur ce commerce infâme, finalement anticipe le rôle que les Bordelais vont jouer à la fin du XVIIIe siècle. C'est très important. Vous voulez donc que je vous donne à entendre, je le sens bien, ce fameux extrait de l'Esprit des Lois, 1748. C'est le chapitre 5, le livre 11, de l'esclavage des nègres. C'est évidemment dans le registre de l'ironie que fonctionne cette démonstration. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez les nations policées, est d'une si grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Il dénonce l'esclavage avec une force, une efficacité qui frappe encore aujourd'hui. C'est une attaque terrible, mais avec une telle ironie que finalement il faut vraiment la garder en mémoire et se dire que nous devrions peut-être davantage l'expliciter au fur et à mesure que le temps passe. On est dans la façon de dire des philosophes du XVIIIe siècle, c'est la façon aussi de Voltaire. Donc rappelons-nous ceci, et je pense que les Bordelais, ou en tout cas les négociants bien installés, ont peut-être entendu Montesquieu, mais il est prouvé que ceux qui vont s'adonner au trafic triangulaire à la fin du XVIIIe siècle étaient souvent des négociants venus de l'arrière-pays, qui n'avaient pas une longue installation à Bordeaux. Il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que Bordeaux consente, semble-t-il, enfin je parle sous votre contrôle, de Bordelais éminente, Anne-Marie Cocula, consente à évoquer ce qu'a été cette période et cette source de prospérité. Je vois qu'en 2006, le maire de l'époque, Hugues Martin, qui occupait la mairie pendant que Juppé était provisoirement empêché, a fait déposer une plaque sur le quai des Chartrons. Il a raconté qu'en arrivant, il a été surpris de voir qu'elle a été toute petite. Il l'avait pensée beaucoup plus grande. Cette plaque portait la formule suivante. La ville de Bordeaux honore la mémoire des esclaves africains déportés aux Amériques au mépris de toute humanité. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Hein. L'universitaire que j'ai été pendant un certain temps doit rappeler qu'il y a eu déjà des études sur cet aspect-là. Ici, il faut citer les travaux de Paul Butel, qui a énormément travaillé sur le trafic fluvial. Il faut citer Éric Sogera aussi. Éric Sogera aussi, qui venait de Nantes, que j'ai bien connu et qui a travaillé sur la traite. Bordeaux, Port Négrier, 1995. Tout à fait. Là, je ne parlais pas des travaux de nos collègues universitaires. Je parlais de la prise en compte par les édiles et par la population. Oui, bien évidemment. Il y a un retard, mais par rapport aux travaux universitaires, on avait largement travaillé avant le XXIe siècle. Très bien, bravo. Il faut s'arrêter un instant sur la révolution qui a compté dans l'histoire de Bordeaux dont nous parlons ce matin et qui a mis aussi sa marque, ne serait-ce que par le rôle des Girondins. La formule est d'ailleurs assez tardive, elle a vraiment été popularisée par l'histoire des Girondins de Lamartine au mi-temps du 19e siècle. Tout à fait. Là, il faut quand même essayer de rétablir une forme de réalité historique. Je vous en prie. Je fais référence aux travaux d'Anne de Matan, qui a soutenu une thèse sur les Girondins hein, et qui a bien démontré en quelque sorte que ce groupe de députés qu'on a pu accuser ensuite de fédéralisme était en fait, par rapport à d'autres députés, notamment je pense Lyon, je pense à Marseille, avait une vue qui était très anti-parisienne, on va dire, très anti-commune de Paris, très anti-montagnard, mais ils étaient dans le droit fil d'une révolution. Et à partir de ce moment-là, finalement, quand on suit la tragédie de leur destin, tout se jouera pour eux lorsqu'ils vont rentrer à Bordeaux, lorsqu'ils seront dénoncés et lorsqu'ils seront condamnés. Vous parlez de Duclos, de Vergniaud, de Jean Sonnet. Tout à fait. Leur mort tragique, certains d'ailleurs vont mourir à Saint-Émilion, certains s'étaient réfugiés dans un puits, dans une galerie, on y accède par un puits, à Saint-Émilion, chez Madame Bouquet. L'autre a été dévoré par des loups. Il s'en échappe. Alors, il y en a qui sont dénoncés. Ceux qui s'en échappent n'ont pas des loups. Ce sont des chiens errants. Ça ne doit pas être plus joyeux. C'est pas plus joyeux. Exactement. Quelles traces restent-elles à Bordeaux? Il y a eu à la fois, dans un premier temps, des ralliements qui se fondaient sur l'existence des loges en particulier. Il y a toute une présence des Lumières à Bordeaux. Et puis ensuite, avec la chute de l'Empire, un ralliement rapide à la monarchie. On le remercie d'ailleurs Bordeaux en appelant duc de Bordeaux le petit-fils, l'enfant du miracle, le petit-fils de Charles X, qui est né après l'assassinat de son père, le duc de Berry. Oui, tout à fait. Il y a une rupture. Il y a une rupture très forte qui est peut-être due aussi aux représentants en mission, des personnages comme Tallien, etc., qui n'avaient pas très très bonne réputation dans Bordeaux. Et puis, au fait, il ne faut pas se cacher, de l'hostilité des Bordelais ou des habitants de Bordeaux à l'égard de Napoléon Ier. Parce qu'il est certain que là, ils ont vécu l'épreuve du blocus. Et vivre l'épreuve du blocus, c'est quelque chose de considérable pour des marchands, pour des artisans qui ont travaillé sur le trafic et qui sont obligés désormais d'envoyer leur chargement de vin par la route. Donc là, vis-à-vis de l'empereur, ça n'est pas bon du tout. Pour eux, c'est l'équivalent d'un tyran. Et le seul moment où la ville verra arriver une troupe, on va pas dire d'invasion, mais une d'occupation, c'est lorsque les Anglais remontent d'Espagne et pénètrent finalement dans la ville par la barrière ou par la route de Toulouse. Et les Bordelais, mère en tête, vont à la rencontre de ces Anglais. Vous voyez, on retourne là vers l'Angleterre. Grande hostilité à la fin de l'Empire. Pourtant, Napoléon Ier s'est déplacé à Bordeaux. Il a fait un court séjour à Bordeaux. Et durant ce court séjour à Bordeaux, il a mesuré toutes les réformes à faire, notamment en termes, j'allais dire, d'hydrographie, en termes de marais, de marécages. Et surtout, il a dessiné le pont qui va devenir le pont de pierre. Ah oui, ça n'empêche pas effectivement qu'en mars 14, lorsque les Anglais arrivent, vous le disiez, ils soient accueillis avec enthousiasme. Ça fait un peu collaborateur, non? Mais enfin, il n'y a pas que cet aspect des choses. Goya a 78 ans, donc encore très jeune, se réfugie à Bordeaux pour y mourir avec des œuvres qui sont... Ah, magnifiques, des œuvres magnifiques, les tiers de Bordeaux. Et puis pour y participer aussi, si j'ose dire, à la tauromachie, au fait, à ce qui va devenir, à la fin du 19e siècle, un aspect important des spectacles. Nous ne traiterons pas ce sujet aujourd'hui, car je verrai affluer les courriels dans les deux sens. Pas par pusillanimité, mais parce que ce n'est pas directement notre sujet, Anne-Marie Cocula. Alors, ce 19e siècle, c'est celui d'une prospérité maintenue, avec en particulier le classement des vins de Bordeaux. 1855, là, on est sous le Second Empire, c'est essentiel. Déjà, les chemins de fer est arrivé au début des années 1850. Tout à fait. C'est essentiel, c'est le progrès, c'est cet aspect, en quelque sorte, de conquête. Et c'est aussi la conquête des terrains déshérités. C'est le moment où finalement les Landes vont devenir une zone d'exploitation forestière, de grandes plantations de forêts. La forêt industrielle des Landes, elle naît sous le Second Empire. Elle existait déjà. Elle existait sous une forme de lambeaux forestiers, on les trouve à l'époque de Colbert, mais cette fois, ça devient en quelque sorte une source de richesse. Et la grande exploitation de la forêt, nous sommes à la fin du 19e siècle, elle va servir notamment pour étayer les mines de charbon. On a là toute une industrie qui se développe, et on va voir désormais, à côté de la richesse des vins, la richesse des pins. Des pins chers à Mauriac, nous allons y arriver. Mais auparavant, on peut dire qu'il y a aussi une mise en valeur touristique de ce qui est déjà une très très belle ville, même si la place royale faite par Gabriel, splendide, a été débaptisée et devenue place de la Bourse, elle demeure très belle. Et puis il y a les chartrons, et puis les échoppes, qui sont tellement intrinsèques à la beauté de Bordeaux. Car 26 000 échoppes, le mot vient d'un mot gascon, n'est-ce pas ? Chopa, ce sont ces petites maisons. Tout à fait. D'un ou deux étages. Alors, je voudrais dire deux choses, là. D'abord, s'agissant de la belle façade des quais, elle n'a jamais été voulue par les Bordelais. Alors bon, pourquoi ? Ah non, les Bordelais, je pense qu'ils avaient raison. Et Montesquieu a lutté fermement contre l'intendant Tourny. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, ouvrir la ville, enlever les portes, enlever les fortifications, l'ouvrir sur la rivière... Très dangereux. Ben bien sûr, il ne faut jamais le faire. Et ça s'est fait. Mais c'est très beau. C'est très beau. C'était remis en valeur récemment. Je crois que c'est sous la municipalité Juppé que ça a été. Exactement. On a enlevé les grands hangars que l'on avait construits au XXe siècle. Mais c'était très dangereux. Enfin, les échoppes, à mon avis, ces petites maisons, il peut y avoir des échoppes simples, des échoppes doubles, elles se ressemblent toutes, elles ont leur jardin, parfois elles ont un palmier colonial à l'intérieur du jardin. Ces échoppes-là, il me semble qu'elles viennent des vignes environnantes. C'est ce que l'on appelle une chambre de maison. J'y vois en quelque sorte le passage de la campagne à la ville, d'une bâtisse de deux, trois pièces. Et avoir une échoppe à l'heure actuelle dans Bordeaux, ben c'est une forme de richesse. Simplement, les Bordelais à l'heure actuelle, ils démolissent les cloisons, ils décloisonnent les échoppes pour en faire des lofts. Ce qui fait que c'est le contraire de ce qu'est l'échoppe au départ. Bordeaux, c'est aussi la ville à trois reprises du repli de la République, 1870-71, 1914 et 1940. Et cela a marqué l'histoire de la ville. Il faut rappeler que l'armistice a été signé au moment de la guerre de 70 avec les Prussiens le 28 janvier 1871, c'est-à-dire il y a tout juste 150 ans. Oui. Alors là, je trouve que c'est effectivement ces trois drames, ces trois tragédies qui se nouent dans la ville, qui se nouent dans le cœur de la ville, avec des lieux où l'on installe des institutions, des instances, finalement, c'est quelque chose qui marque. Et sur le plan de l'histoire, ce serait l'occasion de faire comme une mise en scène avec ces allées et venues entre les hôtels, entre l'Alhambra, entre l'endroit où l'on siège. Et là, que cette ville ait donné lieu à cela, ça a pu la marquer. Et je pense que en 1940, elle est profondément marquée par ce drame, elle est bombardée. L'exode, il y a eu 2 millions dans la région. Tout à fait, le passage, les gravures que l'on a du passage sur le pont de pierre avec les gens qui sont perdus, égarés. Donc là, trois drames, surtout celui de 40 qui marque absolument. Et puis. Mais 14 aussi, plusieurs mois de repli du gouvernement, Poincaré, Viviani, Millerand. Jusqu'en novembre 14. Donc là, on a des épisodes qui peut-être pourraient donner lieu, sur le plan scénique, à une forme de reconstitution. Il ne s'agit pas de refaire la bataille de Castillon, mais de rappeler finalement ces lieux clés pour des épisodes tragique avec, en 1940, au Verdon, le départ du Massilia. Donc là, c'est une... Massilia, c'est ce vaisseau qui a emmené dans ses flancs un bon nombre de parlementaires jusqu'au Maroc, dont Georges Mandel en particulier, qui était l'élu de la région, livré à l'infamie de Vichy. C'est le temps aussi, soyons plus optimistes ou plus positifs, oui, où le fameux consul du Portugal, Aristide de Sousa Mendes, à titre personnel, sans autorisation de ce gouvernement, donne des visas et sauve 30 000 personnes, dont 10 000 juifs. Étonnant cette décision, ce personnage qui finalement s'engage dans ce combat, signe à toute allure cela, et c'est finalement, après 48 heures de méditation, un peu comme en quelque sorte quelqu'un qui s'expose au martyr, il signe. Et il sait que la tempête va tomber sur lui, il sera condamné, mais pire encore, sa famille subira les affronts. Alors, chaque année, on reçoit une partie des membres de la famille nombreuse de Sousa Mendes et on reconstitue avec eux le moment clé de la vie héroïque de cet ambassadeur. On ne comprendrait pas que nous terminions cette conversation sur Bordeaux sans évoquer 3e M, la grande figure de François Mauriac. Je rappelais que vous présidez le centre François Mauriac de Malaga. Malaga, c'est sa fameuse propriété campagnarde qu'il a tellement célébrée dans son œuvre. Alors, la voix de François Mauriac, parlant de Bordeaux, il est interviewé, c'est des conversations qui sont restées fameuses, à la RTF par Jean Amrouche. On est le 8 novembre 1952. Il vient d'avoir le prix Nobel. Il vient d'avoir le prix Nobel, tout à fait. Comme dans tous les grands bonheurs de ma vie, je me retourne vers ma ville. C'est là que mon œuvre a pris sa source. Et après tant d'années, c'est toujours là, c'est toujours de là qu'elle tire sa vie. Le jour où Bordeaux ne m'inspirera plus, peut-être écrirai-je encore, mais le livre sera mort avant d'être né. Ma province demeure mon unique source d'inspiration. Et ce n'est pas parce que j'y ai gardé une maison et une vigne. J'aurais continué à tout recevoir d'elle, même si je n'y étais pas revenu depuis le jour où, il y a plus de 40 ans, je débarquais à la gare d'Orsay, petit provincial au cœur plein de désirs. Bordeaux et les campagnes qui l'entourent sont en moi des clichés superposés. Les colonnes rostrales de la place des Quinconces n'encadrent pas seulement le port et le fleuve, mais la maison de Malagar, le calvaire de Verdelais, où ses admirateurs ne savent pas que Toulouse-Lautrec dort son dernier sommeil. Les pins de Saint-Symphorien, qui ne sont plus très nombreux, hélas, à se souvenir des enfants du mystère Frontenac, car ceux qui n'ont pas été détruits par le feu meurent un à un de vieillesse. Il faut avoir atteint mon âge pour s'apercevoir que les arbres nous quittent, eux aussi, comme nos parents nous ont quittés. Les morts, leur vie est passée dans les pierres de la ville. Quand j'arrive de Paris et qu'à la descente des quatre pavillons, Bordeaux surgit avec ses 1000 toits et ses clochers. La ville n'est pas seulement la toile de fond sur laquelle se détachent tant de visages bien-aimés. Elle-même participe de cette vie qu'ils ont perdue. Une œuvre littéraire comme la mienne naît de l'indissoluble union des êtres qui ne sont plus là avec les paysages immuables, de l'union des créatures éphémères avec la ville indestructible. Je suis donc heureux que Bordeaux soit honoré aujourd'hui en ma personne, que la ville de Montaigne et de Montesquieu, qui fut celle aussi d'André Lafont, de Jean de la ville de Miremont, de Jacques Rivière, soit connue dans le monde entier, non seulement par ses vins, mais par ceux de ses enfants qu'elle a inspirés. Bordeaux immuable dans la bouche de Mauriac. Dans son beau dictionnaire amoureux de Bordeaux, Alain Juppé cite un autre propos de Mauriac. Paris est une solitude peuplée, une ville de province est un désert sans solitude. C'est un peu la même idée. Tout à fait. J'aime beaucoup cette citation-là. Et rappeler quand le reproche qu'on lui faisait d'être un écrivain régionaliste, je crois que c'est la meilleure réponse que l'on puisse faire à une telle critique. Voilà. C'est cette communion entre l'écrivain, sa région et ses paysages. Et rien ne change autant que les paysages. Et Mauriac les a parfaitement décrits à Bordeaux, à Malaga, à Saint-Symphorien, où se déroule justement le mystère Frontenac, dans le chalet de son enfance. Eh bien, non sans chagrin, Anne-Marie Cocula, il nous faut quitter votre belle ville de Bordeaux, après en avoir restitué, je pense, un certain nombre de composantes durables, de structures pérennes. Vous avez donné une histoire de Bordeaux, en 2010, aux éditions du Pérégrinateur. Et puis, votre cher Montaigne, vous l'avez également célébré dans un livre qui s'appelait « Montaigne, les années politiques » aux éditions Confluence en 2011. J'ajoute que vous allez faire paraître un ouvrage sur Montaigne en 1588. Pourquoi le choix d'une seule année? Alors Montaigne, 1588, pourquoi? Parce qu'en fait, il est chargé de mission par Matignon, dont on a parlé, par Matignon pour tenter de réconcilier face à la Ligue ultra-catholique qui menace finalement Henri III. Il est chargé de réconcilier Henri III, le roi Henri III, avec Henri de Navarre, le protestant. Paris-Provence, vraiment. Exactement. Et il emmène avec lui les essais pour les faire éditer chez Abel Langelier, libraire imprimeur parisien. Et il va connaître en une année 1588, à la fois il va être détroussé et pillé pendant son trajet, il va à Paris enfermé à la Bastille, il va découvrir les premières barricades de l'histoire parisienne, il va ensuite être malade, il va se reposer en Picardie, invité par Marie de Gournay, sa fille d'alliance. Et donc, c'est pour lui une année pleine d'aventures. Et c'est là que l'on a finalement les essais, les trois livres, l'édition de 1588, à laquelle il va ajouter des centaines d'ajouts, et notamment plus tard sur l'exemplaire de Bordeaux, ajouté à la phrase sur l'amitié, en deux temps, parce que c'était lui, premier temps, parce que c'était moi, second temps, avec une écriture différente, plus nuancée, on l'a calculé, quelle était sa composition chimique. Et donc cette belle phrase que nous citons, c'est la Boétie, désormais. Votre voilà. Cher la Boétie, puisque vous avez également écrit un livre sur lui, Étienne de la Boétie et le destin du discours de la servitude volontaire, la grande œuvre de la Boétie. C'est une édition des Classiques Garnier en 2018. J'évoquais enfin, en passant, le dictionnaire amoureux de Bordeaux d'Alain Juppé, paru chez Plon récemment en 2018. Vous pouvez vous y reporter avec profit. On pourra retrouver une bibliographie plus complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de l'arrivée de l'anglais dans notre belle langue française. Le franglais, c'était une formule d'Étienne dans les années 60. Le franglais, incoercible, point d'interrogation. Et je recevrai Bernard Cerchiglini pour en parler. Lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine au sujet suivant, vaste sujet, histoire du mensonge. Propagande, calomnie, rumeur, faussaire, etc. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son François Rivalan, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et François Merlin, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Hervé Evano. Dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.